Ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou édition Anglo. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle édition des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 9 décembre au 5 janvier 2010. Ah, mais Colin, mais c'est donc bien un long palmarès. Ça va faire long feu, celui-là, j'ai bien l'impression. On n'a pas beaucoup de nouveautés, par contre, dans le palmarès anglophone cette semaine. Pourquoi? Ben parce que la plupart des pièces sont assez récentes. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse grand-chose. Celle qui est là depuis le plus longtemps, c'est la 8e position qu'on va entendre tantôt, Two Hours Traffic, qui est là depuis 8 semaines. Sinon, ça roule dans les 2, 3, 4 semaines environ. Donc, la nouvelle entrée, on va l'entendre tout de suite pour débuter l'émission. Voici Jet et She's a Genius dans les palmarès. C'est fou! Au 89.fm, mais en passant, allez voir le cfou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. C'est She's a Genius. La seule et unique nouvelle entrée de cette semaine, c'est en 20e place. Mais quelle nouvelle entrée! Ça frappe fort, ça Jet. L'album le plus récent, le nouveau, s'appelle Shaker Rock. Tantôt, je vous ai pas dit le numéro 1 de la semaine passée. Je vous fais des petites cachettes, on dirait bien. C'était Islands avec Vapors. On va savoir si ça reste au numéro 1 ou si ça a bougé d'ici la fin de l'émission. Mais dans le prochain bloc, il va y avoir du Pointed Sticks et du Albatross Cross, qui étaient deux nouvelles entrées la semaine dernière. Mais commençons par la 19e. Elle descend de la 7e place. C'est Munition Ships par A History Of. Tout de suite dans les palmarès C'est Fou, édition anglo, sur les ondes du 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. numéro 18. You won't what you don't get. You're in love with three numéro 16. She's not alone anymore, now she's opened the door. She made a life of her own and left an unhappy home. Have to say that girl is doing fine. She's not alone anymore, not on her own anymore. Now she's happy inside and she's got nothing to hide. Believe her when she tells you she's alright. Come a long way from that frightened little girl, the one who had to share her anger with the world. When she's alone, you know she doesn't have to cry. She's left that world behind her, finally said goodbye. She's not alone anymore, not like she was before. Something to say, and it's a beautiful day. Dancing in the streets and feeling free. She's not alone. Wait It Takes, c'est She's Not Alone Anymore. C'est stable en 17e place. Avant ça, on a entendu Moneen avec Hold That Sound, qui est stable en 16e. Je vous avais donc inversé, hein, si on comprend bien. En 18e, c'est Albert Cross avec ATX qui monte d'une place. Ces trois pièces-là étaient des nouvelles entrées la semaine dernière. Et on a débuté le bloc avec History Of et Munition Ships. Ça descend de la 7e place. Vous êtes dans l'édition anglophone. Dépendant, c'est fou. On va savoir d'ici la fin de l'émission si numéro 1 est toujours Islands avec Vapors. Dans le prochain bloc, Alice in Chains et Shaq Butts. Mais commençons par la 15e place. Elle monte de 5. C'est Wild Wild Mummy de la formation locale Devils at Rad sur les ondes de C'est fou. 89 FM. I'm a big girl, I really want to fight. retour, chaque bat, c'est Alice in Chains dans les Palmarès C'est Fou au 89.fm. Numéro 14. Remember you. Alice in Chains et Black Gives Way to Blue, stable en 13e position notre palmarès anglophone ici à C'est Fou. Avant, c'était Shaq Batts avec Kildo Martinez qui monte de 4 et avant ça, on a entendu en 15e place, ça monte de 5, Wild Wild Mummy de la formation locale Devil's Hot Rod. Leur nouvel album s'appelle Dirty Rocks for Broken Hearts. Comme je le disais, je le mentionnais, je le racontais, vous êtes dans l'édition anglophone des palmarès C'est Fou, on se rend jusqu'au numéro 1. On va savoir bientôt si Islands est toujours au numéro 1. Dans le prochain bloc, il va... Ah ben, regardons ça. Je viens de voir le prochain bloc en exclusivité. Je vous cache rien du tout. Je vais vous dire tout de suite que dans le prochain bloc, il va y avoir Highlands. Donc on a un nouveau numéro 1. On va aussi entendre Band of Skulls, mais on débute avec Hockey. Ça descend de la deuxième position, donc de 10 places, d'un coup sec. Voici Too Fake. Tout de suite au palmarès, c'est fou. Ouch. Ouch. Hey, j'ai quasiment... J'ai fait plaquer, hein? Information au hockey, tu sais. Il en a mangé une dans le... dans la face. C'est un tour de chapeau. Il change son galipeur. Ça tombe pas rapport à galipeur. I'm just too- C'est bon du Highlands avec la pièce Vapors. C'est l'ancien numéro 1, ça descend de 9 places. C'est vraiment triste, ça. Ça a comme bouilli. Vapeur, comme ça, avec des... OK. Avant Vapors de Highlands, on a entendu Band of Skulls avec I Know What I Am, qui est stable en 11e. Mais on a débuté le bloc avec Hockey et Too Fake, qui est l'ancien numéro 2, donc chute de 10 places. Très dommage pour Hockey et Highlands. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces deux-là, hein? Deux coussins comme ça, descend. Il va falloir qu'on fasse remonter ça. Là. Et ça, les palmarès C'est Fou, pour ceux qui ne savent pas encore, ben, c'est les animateurs de C'est Fou qui décident. Donc, c'est ce qui joue et qui ne joue pas. C'est ça qui fait que ça bouge dans le palmarès. C'est pas des votes, là. C'est les animateurs. C'est la communauté de C'est Fou, la belle petite famille. Tout le monde se tient par la main, tout le monde s'aime. C'est donc bien beau. Dans le prochain bloc, il va y avoir d'autres gens qu'on aime beaucoup, beaucoup. Tegan and Sarah et Two Hours Traffic vont débuter avec une pièce qui est là depuis seulement sa troisième semaine. En fait, c'est sa troisième semaine et pas là depuis. C'est... Ah, le gars. Voici The Job et Soon. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, 89 FM. best of the bad. It can't get much worse. All I do is wait here. Not much left to do. Spider and bug to buy, crash and burn. I hope things are better soon. Numéro 8. Step. Steven and Sarah et Hell qui descendent de deux places est en septième position. Avant ça, c'était Two Hours Traffic avec Noisemaker qui descend de quatre places. Et on a débuté avec The Job qui monte d'une avec Soon. C'est notre bon petit bloc, ça. Toujours très, très bon, les palmarès anglophones et les francophones aussi. Hein, faudrait pas les oublier parce qu'ils sont diffusés ici à C'est fou les jeudis entre 13h et 15h. Là, ici, l'anglophone, c'est mercredi entre 13h et 15h. Et c'est rediffusé tout ça les vendredis soirs entre 17h et 20h. Donc, soyez à l'écoute vendredi aussi si vous avez raté des pièces ou si vous aimez tellement les palmarès que vous devez l'entendre au moins deux ou trois fois par émission. Allez. Il y a aussi des balado-diffusions sur le www.assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Dans le prochain bloc, plus tard, on va entendre du Pete Yorn et Sky Johansson. On commence avec The Almost. Voici Hands qui est stable en sixième. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou, édition anglo. Au retour, Pete Yorn, Scott Johansson et Parler Steps dans les Palmarès et Fou édition anglo. numéro 5. Potter Steps et Miraculous en quatrième position. Ça monte de 8. Avant, c'était Pete Yorn et Scarlett Johansson avec Shampoo. Ça descend de 2 places. Et on a débuté avec The Almost qui est stable en 6e avec Hands. Vous êtes dans les Palmarès Assez Fou, édition anglo, où on vous présente évidemment le top 20 anglophone de la semaine. Restez avec nous parce que plus tard dans l'émission, dans la dernière demi-heure, le mercredi, on va se passer un petit peu de top 30 des albums, top 10 live et top 10 électroniques dans notre, finalement, notre extra des Palmarès Assez Fou. Les auditeurs du vendredi soir, parce que l'émission est rediffusée de 17h à 20h le vendredi, ben, le Palmarès francophone va suivre juste après cette diffusion. Dans le prochain bloc, on va entendre, en fait, c'est un petit bloc avec les positions 2 et 3. Il va y avoir Air tantôt, mais on débute avec Red Mass. Voici Saturn. Et restez avec nous parce que plus tard, on va savoir si c'est qui le nouveau numéro 1, parce qu'on sait que ce n'est plus Islands. Non, pas d'affaire de même. Je t'ai pas mal assez fou au 89FM. Saturn is for lovers. So Light is Her Footfall, le grand numéro 2 de notre palmarès anglophone. Ça a monté de 6 places. C'est seulement la 4e semaine de cette pièce. Quand même, je trouve que ça monte vite. J'aime ça. Tant mieux, des choses comme ça qui méritent de monter. Il n'y a pas grand chose qui mérite de descendre, en fait, dans les palmarès. C'est toujours très, très bon. Donc, voilà, on est presque arrivé à la fin. On sait depuis plus tôt dans l'émission que la formation Islands n'est plus au numéro 1 avec Vapors. Donc, on a quelque chose de nouveau. Et je dois dire que je suis assez surpris par le numéro 1, parce que c'est leur deuxième pièce de leur album en fait, comment il s'appelle, l'album Featuring the Silver Lake Conservatory of Music Children's Choir, peut-être. Donc l'album de Dead Man's Bones, la précédente pièce n'avait pas vraiment fait fureur, je dirais que ça n'a pas joué tellement souvent. Celle-là, par contre, elle joue beaucoup et elle monte, donc elle s'est retrouvée au numéro 1. Voici Dead Man's Bones et My Body's a Zombie for You, qui monte directement de la 14e. Ah, wow! Ça, c'est beaucoup, beaucoup en même temps. Hein? Bref, de Top Palmarès, c'est fou, édition anglo sur le 89.1 FM. Yeah. C'était le grand numéro 1 de notre palmarès anglophone cette semaine. Avant de dire le numéro 1, faisons un petit récapitulatif comme on le fait toujours. En troisième, ça monte de la 15e place après seulement deux semaines, Red Mass avec Saturn. En deuxième, ça monte de 6, Soloit. C'est l'accent anglais, c'est Soloit, c'est football. De la formation Air. Et en première place, on vient d'entendre, c'est Dead Man's Bones avec My Body's a Zombie for You. Et ça, ça monte de 13 places. C'est sa troisième semaine. Wow, qu'il y a des choses qui montent vite comme ça. Moi, je suis vraiment surpris pour Dead Man's Bones. Et je suis très content pour eux. J'adore ça. Voilà, donc ça, c'est les palmarès anglophones. La version francophone aura lieu demain, jeudi, entre 13h et 15h. Ou encore juste tantôt, pour les gens du vendredi soir. Maintenant, comme on a un petit peu de temps libre, un petit peu de temps pour passer d'autres musiques avant d'entrer dans notre demi-heure extra pour les gens du mercredi, on va s'écouter quelques bons vieux classiques des palmarès, si ça ne vous dérange pas trop. On va voir Olinéa avec les hostilités tout à l'heure, mais on commence avec Papillon et Histoire de pêche tout de suite dans les palmarès. C'est fou! On vient de se dire au revoir tantôt. Il faut jaser un peu, vous et moi, là. Papillon et Histoire de pêche, un classique qui date du début de 2007. Et avant ça, on a entendu du côté tout aussi francophone, je dirais, la formation Olinéa et les hostilités. Ça date de l'automne 2007. Voilà, donc deux classiques des palmarès de C'est fou en francophone. Nous, on se quitte ici, dépendant d'où vous nous écoutez. Donc, je vais essayer de faire ça clair un peu, là, en vous racontant le nouvel horaire des Palmarès C'est fou, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Les Palmarès anglo sont le mercredi de 13h à 15h et en franco, les jeudis de 13h à 15h. Tout ça est rediffusé le vendredi soir entre 17h et 20h. Les gens du vendredi plongent directement dans la version francophone des Palmarès à juste après la pause. Alors que nous, le mercredi, on continue avec une demi-heure additionnelle. On va toucher un petit peu au top 10 électronique, au top 30 des albums et peut-être même au top 10 loud. Donc, restez avec nous. Mais pour l'instant, où que vous soyez, on se quitte avec une pièce de Fisher Spooner, un bon vieux classique de 2005, Just Let Go. Et on se retrouve tout à l'heure dans les Palmarès. C'est fou! C'est comme un ballet. retour, vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou. On continue avec une dernière demi-heure, comme on le fait toujours dans le top 10 loud, le top 10 électronique et le top 30 des albums. Le mercredi, on a tendance à passer, à commencer avec le top 10 électronique. C'est ce qu'on va faire encore une fois cette semaine. On va entendre le top 3 au complet, mais avant d'entendre le top 3, parlons un petit peu du reste, hein. Parce qu'il y a deux nouvelles entrées, une en sixième place, Syntax, avec Ila Jarly, et en cinquième, Sepia Music, avec Trenches. Au numéro 3, l'album The Art of Breaking Apart du projet américain Velvet Acid Christ. C'est ce qu'on retrouve dans cette troisième position. Et on va tout de suite écouter la pièce Fucking Freak. Et c'est le fun de pouvoir dire ça à la radio une fois de temps en temps, car c'est le nom d'une pièce. Fucking Freak! Dans les palmarès, c'est fou! Oh, 89 FM! Crazy, really. Maybe I'm just sitting around reading guns and ammo, masturbating. masturbating in your own feces, you just stop and go, what? It is amazing. Fucking crazy, really. You fucking freak! This is a man who dedicated his life to making money by lying with every breath that he could muster to keeping murderers and rapists on the streets. You fucking freak! You fucking freak! You fucking freak! Shut your fucking mouth! Inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside? A drug dealer? A drug dealing pederast, actually. And let's not forget the disease spreading whore. You fucking freak! Shut your fucking mouth! You fucking freak! You fucking freak! Shut your fucking mouth! Only in the world this shitty could you even try to say these were innocent people and keep a straight face. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's commonplace. It's trivial. We tolerate it morning and night. La position numéro 3 du palmarès électronique, c'est l'album The Art of Breaking Apart du projet américain Velvet Acid Christ. On vient d'entendre la pièce Fucking Freak dans les palmarès, c'est fou. On reste dans le top 6 électronique pour encore un bon bout, hein, parce que le numéro 2 est occupé par l'album Hold It Close du projet canadien Digit. C'est tout de suite le projet du Torontois. Ah oui, c'est ça, le projet canadien Digit, qui est le projet du Torontois. Altman. Le gars s'appelle Altman. C'est comme si je m'appelais Control, Control, Backspace, Shift. Là, voici la pièce You're Going to Age. C'est dans les palmarès, c'est fou, et c'est au 89.1 FM. Position numéro 2 du palmarès électronique, c'est l'album Hold It Close du projet canadien Digits, qui est le projet du Torontois Alt Altman. Hein? C'est Escape Tab chiffre majuscule, hein? C'est super. La pièce s'appelait You're Going to Age et c'est très très bon. Il nous reste le numéro 1 du palmarès électronique, on l'écoute tout de suite, c'est l'album Fever Ray Deluxe Edition du projet Fever Ray, qui est le projet solo de la chanteuse de la formation suédoise The Knife, Karen Dreher Anderson. Voici la pièce Keep the Streets Empty dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Thank you. La position numéro 1 du palmarès électronique de C'est fou, c'est l'album Fever Ray Deluxe Edition du projet Fever Ray, qui est le projet solo, encore une fois, de la chanteuse de la formation suédoise The Knife, Karen Dreyer Anderson. Petit récapitulatif, en plus du numéro 1, il y a le numéro 2 qui est Digits avec Hold It Close qui descend de la première place. Et en troisième, ça monte de une, c'est Velvet Acid Christ avec The Art of Breaking Apart. On a terminé notre top 10 électronique, ce qui veut dire que demain, on va se lancer dans le top 10 loud et dans le top 30 des albums. Mais pour l'instant, pour terminer cette émission des palmarès, c'est fou, on va passer sur la clôture. Et ça, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ben, passer sur la clôture, ça veut dire des pièces d'artistes qu'on connaît déjà, des artistes qui sont dans nos palmarès réguliers, top 20 franco et anglo. Cette fois-ci, j'ai envie d'entendre une autre pièce de la formation A History Of. Leur album s'appelle Action in the North Atlantic et leur pièce Munition Ship se figure en ce moment même en position numéro 19 du top 20 anglophone. On va écouter la pièce titre de l'album, voici Action in the North Atlantic au palmarès. C'est fou et on revient avec le mot de la fin. History of et l'album Action in the North Atlantic. On vient d'entendre la pièce titre de cet album-là. C'est en 19e place du top 30 des CD. C'est sur la clôture des palmarès C'est fou. Donc, une pièce qu'on ne connaît pas d'un groupe qu'on connaît bien et qui est dans le top 20 anglophone aussi. On va se quitter sur le même principe avec la formation Pointed Sticks qu'on retrouve dans le palmarès anglophone. En position, je suis toujours de la misère à trouver ces affaires-là. Ah oui, en position numéro 17, voilà. Et dans le top 30 des CD, c'est aussi en position numéro 17. Leur album s'appelle Three Lefts Make a Right et on va se quitter avec la pièce Sentimental Fool. Assemblage requis s'en vient dans quelques minutes à peine. On va voir Sébastien Dulude et sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. Donc restez là, c'est Assemblage requis et ça commence dans quelques minutes à peine. À tout à l'heure. About a boy and girl will never work today, but I